Le vendredi 20 mai à 22h, l'artiste Inou sera accompagné de 3 musiciens et d'un chœur formé par 30 Victoriavillois, dirigé par Christine Duncan, pour présenter en première québécoise Tania Tagac with the Element Choir. Informez-vous et réservez vos billets sur fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 32e Fimav. Bonsoir, bonsoir tout le monde, les amateurs de bonne musique. Et vous êtes à l'émission Terrain Incognita en compagnie de Bruno à la mise en onde, France à l'animation et moi-même Jean-François. Et c'est l'émission Terrain Incognita de 22h à minuit. Bonsoir France. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Bruno. Salut Bruno. Eh bien, on a beaucoup de bonne musique à vous présenter ce soir, mais si vous étiez à l'écoute, sinon, ben je pense que je vous suggérerais d'aller chercher le podcast là, de l'émission les Illusions auditives avec Jacques et Vincent tantôt. Ils ont fait un spécial Tony Levin et on se rend compte que Tony Levin a joué sur énormément de morceaux, là. Ils ont fait jouer du Pink Floyd. En fait, j'aurais complètement oublié qu'ils jouaient ce Momentary Lapse of Reason. Et il y avait beaucoup d'autres exemples aussi. Et bien, ça m'amène à parler, parce qu'on va en écouter, du Tony Levin avec Stickman. Très bon show hein, qu'on a eu dernièrement. Oui, très bon musicien. Ben oui, hein, c'est tout un trio. Et bien, ce qu'on va entendre, c'est un disque qu'on a acheté là et qu'on a fait autographier aussi. Stickman Plus, donc c'est avec David Cross, c'est enregistré au Japon. Mais honnêtement, moi j'ai trouvé que le spectacle qu'on a eu, c'est meilleur que ce disque-là. Mais c'est vrai que c'est tellement spectaculaire de voir ces instruments-là aussi. Et bon, on va faire un petit rappel des petites adresses Internet. Si vous voulez avoir la liste de tout ce qui joue lors de l'émission, www.terrainincognita.québec et à l'onglet radio. Vous allez avoir toute la liste. Marc va vous mettre ça demain. Il y a aussi la page Facebook de Terrain Incognito, parce qu'il y a beaucoup d'informations, toi, France, et tu surveilles ça pas mal. Oui, pas mal. Michel, il donne pas mal d'informations. Il fait des mises à jour assez régulières aussi. Là. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de clics là, sur sa page. Vous pouvez nous rejoindre aussi entre les micros au 640-1586. Et le podcast de l'émission, si vous en avez manqué une partie ou si vous voulez le réentendre, donc c'est sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et dans la liste d'émissions, on cherche Terrain Incognita. Comme je disais, on a énormément de bonne musique à mettre ce soir. Et aussi, on va vous parler des magazines, parce qu'il y a un nouveau Terrain Incognita, mais il y a aussi un nouveau Progressiste. Et si on commence par le nouveau Terrain Incognita, il y a une entrevue avec... Unreal City. Ben oui, Unreal City. Et on apprend des choses intéressantes. J'osais de ça avec Vincent avant d'entrer en onde. Vincent, qui est un grand fan de Serge Gainsbourg. Et on apprend dans cette entrevue-là, qui est menée par Jean Roby, que l'album Histoire de Mélodie Nelson est dans les 5 meilleurs albums de Emmanuel, le claviériste, le petit génie. Là. Et ben on rentre plus un petit peu dans les potins, mais on dit aussi que dans les façons de gagner leur vie, Francesca est en train de compléter un doctorat. Ce qui n'est pas n'importe quoi, quand même. Mm-hmm. Du tout. Et ben, il y a une entrevue avec Ed Bernard aussi dans le magazine. Et de nombreuses chroniques de disques. Donc, ça, c'est le numéro 45. Et ben, on va écouter un petit peu de musique et on reviendra un peu plus tard pour d'autres commentaires. On va commencer avec un groupe qui s'appelle Tiles. Et ben, c'est un groupe qu'on avait associé beaucoup à Rush, parce que leur style ressemblait beaucoup. En fait, c'est un peu des émules. Il y a encore un petit peu de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Ils se sont donné beaucoup de moyens. Il y a une foule d'invités, dont Ian Anderson, évidemment de Jethro Tull, mais il y a aussi Mike Portnoy et Adam Holzman, qu'on a vu avec Steven Wilson. Mais il y a aussi Matthew Parmenter qui chante sur à peu près le trois quarts des pièces. Donc, on va entendre une pièce qui est assez longue, une pièce de 11 minutes de l'album Pretending to Run, et ce sera suivi de King Crimson qui nous avait fait un show absolument extraordinaire au mois de novembre dernier. On va entendre Live in Toronto, Picture of a City, et on complétera ça par un duo russe qui a aussi des invités prestigieux, s'appelle I Am the Morning. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Bon, bah, encore une bonne pub de La Barberie. Ouais. Il faut toujours rire. Ben, ce premier bloc s'est terminé avec I Am The Morning, duo russe, clavier et voix. Donc, on ne sait pas trop si c'est un couple. C'est deux jeunes personnes qui se font aider de Gavin Harrison De Colin Edwin, là je m'avance peut-être un peu. Il y a Marius Duda aussi sur ce disque-là. Et ben c'est assez éthéré comme ça. Là. C'est peut-être une de celles qui bougeait plus. En parlant de bouger, ça bougeait beaucoup avec King Crimson et pas mal aussi avec Tile. Pretending to Run, là, on a entendu Taken by Surprise. Ben c'est un disque que moi je trouve assez raffiné. Bon, ben, on est dans le rock évidemment, mais très sophistiqué avec une foule d'invités. Il y a des lignes de violon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Eh bien, on va parler du festival Terra Incognita, et non pas convention comme on voit encore peut-être trop souvent. C'est ça, ils l'ont pas fait ça encore. On parle d'une pub dans le magazine. Ben c'est dans 2 semaines. Ben oui, dans 2 semaines, ça va être présentement, ça va être RPWL là, qui va être en train de jouer. On a bien hâte. D'ailleurs, on va en entendre un petit peu plus tard RPWL dans le deuxième bloc. On va faire une récapitulation des groupes. Ben vas-y. Fait que vendredi le 20 mai, c'est RPWL, Play Pink Floyd, The Man and the Journey. Ah oui, ça va être bon. Du bon Pink Floyd psychédélique. Oui. Le samedi 21 mai, on commence avec notre groupe québécois Inner Odyssey avec 2 nouveaux membres. Ben oui, la belle Rachel qui va être là à la base. Ensuite, Abel Gans. Mm-hmm. Puis RPVL qui vont jouer leur album à eux. Oui, leur matériel à eux. Mm-hmm. Le dimanche 22 mai, Kinetic Element. Ah oui, bon groupe américain. Qu'on a fait jouer régulièrement. Et avec grand plaisir, le retour de Honorary City. Ben oui. Et un groupe que j'apprécie beaucoup, Sylvan. Oui, c'est un bon groupe allemand. Ça aussi, on fait jouer ça, c'est sûr. On va continuer pour les autres spectacles à venir. Le 27 mai, il va y avoir Anderson Ponty au Palais Montcalm. Mmh. Le 2 juin, Peter Hamill à la salle Sylvain Lelièvre au cégep de Limoilou. Et pour ceux qui veulent se déplacer à Trois-Rivières, il va y avoir Gigi Project, hommage à Gentle Giant. Et c'est très bon pour les avoir vus. Ben oui, on les a vus au mois de janvier à Québec. La prestation se fait à la salle Anaïs Allard au Rousseau. Bon, mais c'est une salle qu'on connaît pas. On va ben juste avant de poursuivre en musique, je vais vous parler un petit peu du dernier numéro 84 là, de Progressis. On parle du festival là, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Non, c'était la semaine dernière. De quoi? C'était les 26. Oui. Ben, en fait, ça fait 2 semaines. Et dans le magazine, on parle, il y a une rétrospective de la carrière de Caravane. Bruno aime beaucoup Caravane. Hein? Mm-hmm, yeah. Il aime bien la musique de Caravan. Et ben il y a aussi Classic Rock, David Bowie, parce que David a fait beaucoup de choses assez sophistiquées, donc il y a, sans dire qu'il est un artiste de musique progressive, ben on peut dire qu'il a exploré beaucoup. Puis dans ce sens-là, sa démarche peut être qualifiée de progressive. Oh, en parlant de David Bowie, il y a un spectacle hommage. C'est Space Odyssey. C'est le 3 juin. Ça s'appelle Odyssey? Odyssey. Le titre, oui. C'est le 3 juin. OK. Et dans les classiques du prog, on parle de Spock's Beard. On fait une rétrospective de Spock's Beard. Et bien, en fait, le premier article que j'ai lu, c'est l'entrevue avec Kerry Menier de Gentle Giant. On parle des dessous là, de Gentle Giant, et c'est très intéressant. Dans les albums événements, il y a I Word, Gaspacho. Dream Theater, que j'ai pas réécouté. J'en avais mis une pièce au mois de février, quand il est sorti. Je l'ai réécouté une fois dans mon iPod, et ça a fini là. Je sais pas pourquoi j'en embarque pas. Peut-être que ça viendra. Entrevue avec Anthony Phillips, qui nous apprend que finalement, il n'a pas vécu vraiment de son art, pas de sa musique. C'est plus de la production qu'il a fait, des choses comme ça. Un grand artiste, premier guitariste de Genesis. Une rétrospective d'antique prog de Kaipa. Et une foule d'autres choses aussi qu'on retrouve dans ce magazine-là. Et maintenant, ben justement, extrait de l'album Progressis numéro 84, on va entendre un groupe italien qui s'appelle Witchwood, dont on dit qu'ils font du heavy prog. Ben moi, je trouve que cette pièce-là, qui est extraite de Litany from the Wood, moi, je trouve que ça sonne pas vraiment métal, là, mais en tout cas, on va se faire une idée. Ce sera suivi de Seven Impale, qui faisait partie du festival Progressis qui avait lieu les 23 et 24 avril dernier. Donc, on y va avec Witchwood et Seven Impale. Et la dernière pièce du bloc, ben, ce sera RPWL avec This Is Not a Prog Song. Oh. C'est une chanson qui sonne pop un peu, mais c'est en fait, ça se veut comme une dénonciation de ce qu'est. Comment est perçue la musique prog et en spectacle, c'est toujours très spectaculaire parce qu'ils vont. Puis ça varie d'un spectacle à l'autre. Là. Il y a plein de petits extraits là, de pièces de musique progressive. Et c'est toujours bien le fun. Je suis certain qu'ils vont nous refaire ça à Québec. Everything is new into the fail by this illusion. No one has seen in 2,000 years and counting.

Mauvaise humeur, Yogi. Ben oui, peut-être qu'à la même heure la semaine prochaine, c'est ça qu'il va jouer. Oui, peut-être. C'est bien possible. Hein? Et bon, dans le bloc précédent, on a entendu, on avait débuté par Witchwood et Seven Impale, deux pièces assez longues qui ont couvert tout le bloc. Et ben là, ce qu'on vient d'entendre, c'est RPWL, extrait de RPWL Experience. On peut dire RPVL aussi. Je pense qu'ils préfèrent c'est ça. C'est RPVL. RPVL. Et ben, on parlait tantôt de Tony Levin et le spécial que nos amis des Illusions Auditives ont fait. Ben, on va écouter encore du Tony Levin avec Pat Mastelotto, Marcus Reuter et David Cross, donc Stickman Plus, qu'on a pu voir. C'était à quelle date déjà? Ça fait à peu près deux semaines, jeudi il y a du jour. Et d'ailleurs, Jacques était là. Et on a passé la soirée ensemble, ça a été bien plaisant. Ben, ça a été un spectacle qui nous a surpris beaucoup parce que on n'y allait pas du reculon, mais disons sans trop d'enthousiasme, là, sans trop d'attente. Et c'est assez impressionnant de voir ces trois musiciens-là là, jouer de cette façon-là. Tony Levin, des fois c'est lui qui fait la guitare sur son stick, puis d'autres fois c'est l'autre qui le fait sur son touch guitare. Faut regarder comme faut parce que on sait pas lequel joue de la bass, lequel joue la guitare. Et les percussions de Pat Mastelotto. C'est formidable. Ben ouais, puis ils sont assez sympathiques, ils ont pris le temps de rencontrer tout le monde, puis de signer des disques, hein, comme là mon disque est autographié par tout le monde. Et ce qu'on va entendre, c'est surtout du matériel original, mais ils reprennent un petit peu de pièces de King Crimson. Donc, sur Midori, là, qui a été enregistré, c'est à Tokyo. C'est au Japon, mais je pense que c'est Tokyo. Live in Tokyo, ouais, c'est bien ça. Et c'est apparu initialement sur deux disques séparés, c'est deux concerts, mais là, ils ont réuni tout ça sur le même. Et ils jouent The Talking Drum de King Crimson et Larkstone in Aspect Part 2. C'est d'ailleurs ça qu'on va entendre. Et ce sera suivi de Caravane qui s'est produit au Festival Progressiste. C'était le dimanche 24 avril. Et ben c'était juste après Seven Impale qu'on a entendu tantôt. Qui a un petit côté Van de Graaff, hein, avec le saxophone et ça sonne drôlement bien. Et on va entendre aussi Abel Gance. Ben, je pense qu'il faut en entendre parce que samedi prochain, malheureusement, le show va être terminé. On va être en train d'écouter RPVL. Abel Gance qui a changé beaucoup. Mais moi, j'aimais bien dans le temps The Danger of Stranger, mais c'est complètement des musiciens différents. Ça sonne pas du tout de la même façon. Aujourd'hui, ce qu'on va entendre, c'est quelque chose qui fait un néo-progressif des années 80. C'est d'ailleurs de cette période-là. Mais on va l'entendre en s'imaginant ce que le groupe d'aujourd'hui va faire parce que c'est pas anodin là, si on met ce disque-là aujourd'hui, c'est que tu avais vu à quelque part qu'il pourrait jouer qui jouerait probablement des extraits de Danger of Stranger. Ouais. Donc on ressort ça. Mais c'est pas comme ça que ça va sonner, ça c'est clair. Là. Ça sonnera pas avec les claviers des années 80. On va entendre la pièce titre de Danger of Stranger, Part 1. Et on débute par Stickman. We'll be right back. somebody's son. No use in talking to him. Did his with a gun. Stole somebody's life in a fit of rage. Now his time has come, it's just another page. Oh, oh, oh, oh, dead man walking. A knife for a knife, a tooth for a tooth. These are the things we believed in our youth. It was all too easy then to ignite the flame. So much wise now, but nothing much has changed. Oh, oh, oh, oh, dead man walking. Oh, look around to see what's happening. All of the artists of the state. I believe when you say there must be some other way, but I don't. Yes, there's far too many people. There's far, yes, far too few who care. Can you say you really tried? Is it all so cut and dried? When you shake your head, turn your face away from the dead man walking. soft and dark, hiding in the bushes. It's a deadly stranger. Better get home and out of danger. So many times she walked this way, heart and mouth with the fading light of day. Easy to forget her father's warning. Beware, beware of the dangers of strangers. Out from behind for her hand with a smile on his face. She's quick on her mark as the stranger gives chase. So many times had she gone this way. Never before the stranger's game she played. Running for the gate, she remembers the words. Beware, cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Oui, t'avais un commentaire pendant la pub. J'ai dit, ça me fait penser, j'ai dit aux annonces publicités de plaisir gastronomique, que ouais, je trouve tellement drôle. Les annonces assez tordes dans toi. Donc, c'était Abel Gance de 1988, The Danger of Strangers. Et ben, on a bien hâte de voir s'ils vont jouer cette pièce-là. À l'époque, c'était comme chanteur, il y avait Alan Reed qu'on a retrouvé plus tard dans Palace. Et jusqu'à récemment, Hugh Montgomery était encore dans Abel Gance. Mais sur le dernier, le très bon album éponyme, qui devrait nous jouer en bonne partie, ben, il était totalement absent. Et juste avant, c'était Caravane, qui est extrait de l'album Sampler du Festival Progressiste qu'on a eu avec le magazine 84. Et on avait débuté avec Stickman Plus. Et justement, dans le magazine, il y a une entrevue avec un bassiste que j'aime beaucoup, Nick Begg, qu'on retrouve un peu partout. Et ben, dans cette entrevue-là, il nous parle qu'il est toujours en tournée. Je pense qu'il ne doit pas user trop les tapis chez eux. Mais... Non, pas en tout. Il n'est jamais là. Ben, parce qu'il est partout. Il est en tournée avec Steven Wilson. Steve Hackett. Il va retourner avec Steve Hackett un peu plus tard. Et il y a son groupe aussi, The Mute Gods, qui devrait pas faire de tournée parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Il est avec Marco Miniman et Roger King, qui joue avec Steve Hackett aussi. Donc, c'est du monde assez occupé qu'il ne devrait pas avoir le temps beaucoup de tourner avec The Mute Gods. Et il dit même qu'il va être en tournée avec Kim Wilde. Kim Wilde, moi, je pensais pas que ça existait encore. Les Français aiment beaucoup Kim Wilde. Et dans cette entrevue-là, il nous dit comment Roger King peut être un très bon producteur. Il nous dit même de la façon qu'il travaille avec Steve Hackett. Il semblerait qu'il y a pas mal d'emprise même sur Steve Hackett côté production. C'est quand même assez intéressant. Et pour continuer, on y va avec Dave Kersner, un monsieur qu'on a connu avec Sound of Contact. C'est ben, nous autres on appelait ça le groupe de Simon Collins, le fils de l'autre. Et ben, il s'est tapé un disque de quasiment 80 minutes. Et il y a beaucoup de monde qui joue sur ce disque-là. On va entendre une pièce qui s'appelle Stranded, une pièce de 10 minutes et demie, sur laquelle on retrouve je pense que je ne l'aurais pas dit, puis en écoutant comme il faut, on l'aurait deviné assez facilement. On sait qui joue. Ben oui, c'est Steve Hackett qui joue de la guitare. La batterie, ben, c'est Nick DiVirgilio. Et il y a une foule d'autres invités qui jouent sur ce disque-là à différents moments. Donc, Keith Emerson. Oui, Keith Emerson fait un petit saut là-dessus. En fait, il a fait un petit saut là-dessus. Ben, faut dire que ça date quand même de quelques mois, là, ce disque-là. 2014. Qui s'appelle, ben oui, qui s'appelle New World. On va attendre Stranded Part 1. Et ensuite, ce sera un extrait, encore une fois, du CD Sampler Progressiste numéro 84. Mais j'en avais déjà fait jouer parce que c'est un très très bon disque. Space Fusion Odyssey. Bruno aime beaucoup Nick Turner, le saxophoniste de Hawkwind. Donc on va entendre sa pièce Spiritual Machines et Moaning Cities, qui était également au festival Progressis. C'est un groupe belge qu'on connaît pas beaucoup, mais c'est une belle façon de le découvrir. Donc c'est sur le CD sampler de Progressis. Just follow the light.

Le groupe belge Morning City, découverte qu'on fait sur le 10 sampler du festival Progressis qui a eu lieu les 23 et 24 avril dernier à Soignies en Belgique. Et juste avant, c'était Nick Turner, extrait du CD sampler Progressis 84. Et juste avant, Dave Kessner. Et ce qu'on entend en sourdine, ben c'est Léormi qui lui aussi faisait partie du festival Progressis et qui a réenregistré Felona and Sorona sur un disque double. Et le deuxième disque, ben c'est en anglais. Et on se rappelle que Peter Hamill, en 73, avait fait la traduction, l'adaptation anglaise de ce disque-là qui ben, un des joyaux, je pense, de la musique progressive italienne. Et aussi un de leurs très bons disques. Et bien, c'est déjà presque tout pour nous. Après Léormé qu'on entend en sourdine, ben, ce sera Spiritual Beggars, un groupe qu'on pourrait qualifier de hard prog et même de hard rock. C'est sur Inside Out. Et ce groupe-là s'inspire beaucoup de Deep Purple, beaucoup d'Orgamon, et ça fait penser un petit peu à Uriah Heep. Donc merci à Bruno, merci d'avoir été là tout le monde, merci à France. Merci Jean-François. Et bien merci à nos auditeurs d'avoir été là, et surtout restez à l'écoute pour l'autoroute avec Jacques Dulac pour de minuit jusqu'à plus de force. Donc le festival. C'est vieux réflexe. Hein? Oui. Donc, le festival Terra Incognita dans deux semaines. Et, 20, 21, 22 mai. Ben oui, fait qu'on se rejoint là. Et tout de suite après, les Hormis Spiritual Beggars.